una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Nacida en el Congo, en África, en el año 2000, con su familia huyendo de la guerra, fueron a vivir a Bélgica cuando ella tenía 4 años. Luego, en 2005, se traslada a Ruanda y vuelve a Bélgica en 2011. Y hoy hace sus primeras armas en la industria de la música en Francia. Su proyecto musical se llama Lose and the Yakuza y ella es Marie-Pierre Kakoma. El disco se llama Gore, salió en este año. Lo que nosotros vamos a escuchar es una canción que se llama Dilema. En este disco ha trabajado con El Guincho, el productor de Rosalía, en su canción Malamente y el disco El Mal Querer. Dice sobre la canción Dilema: es un panorama visual y artístico de mi disco, engloba varios estilos sin revelarlo todo, es borroso y claro al mismo tiempo. Musicalmente, cuando tomo el coro de Dilema, encuentro que expresa bien la melodía y el verso expresa algo más de rap. Tengo sonidos extremadamente hip hop, trap, pop y rhythm blues, y espero que la gente entienda ese universo. Dilema es verdaderamente vivida entre la alegría y la tristeza, el miedo y la osadía, la calma y el estrés. Es una de las últimas canciones que escribí y es la primera en salir. Lose and the Yakuza, Dilema. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Et où s'il se règne, où fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part, devient loup sa part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul, seul. Je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Seul, seul, seul. Je veux être seul. Mundos diferentes. Alessandra Leones es una cantante, percusionista, compositora de Pernambuco. Actualmente vive en la ciudad de San Pablo. Comenzó su carrera en 1997 en el grupo Comadre Fulosinha y ha logrado junto a músicos como Antonio Carlos Nóbrega, Siva, Jorge Dupeche, Izar, Silveiro Pessoa, Kiri de Yabaté, de Guinea Bissau, Florencia Bernales, de Argentina, Kiko Dinucci, Metá, Rodrigo Campos y Rafael Barreto, cosas muy interesantes. La escucharemos desde su álbum Brinquedo do Tambor, del año 2006, su tema Despertá. Diferentes.